Vendredi 12 septembre 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, de retour pour la saison 2014-2015 de CKRL. Un plaisir évidemment d'être de retour pour vous parler une nouvelle fois plusieurs semaines de 9e art, de bande dessinée, de cinéma d'animation, d'illustration. Bref, on continue pour une troisième saison d'explorer cet univers et un automne qui déjà s'annonce fort riche en publications. On a déjà une belle petite pile qui s'accumule sur le bureau de l'émission. Beaucoup de sorties québécoises notamment dont on se fera un plaisir de vous parler. D'ailleurs, même au moment où on se parle, ici à Québec, il y a lancement de l'album TS-278 sur le vol du commandant Pichet. Un travail d'illustration, de dessin d'un auteur de Québec, Richard Valran. Un album réalisé par Sylvie Bernier et en collaboration avec le commandant Pichet. Alors comme quoi, la saison est déjà bien entamée, il y avait déjà pas mal de lancements au fil de la dernière semaine. Bref, on ne manque pas de matériel pour animer les ondes du 89.1 au fil de cette heure consacrée au 9e art. Et on commence en force cette semaine avec plusieurs invités, regard sur des activités à caractère événementiel, notamment en deuxième partie d'émission. On va jaser avec des joueurs et des organisateurs de la Ligue québécoise d'impro BD, la LiquiBD, qui revient pour une troisième saison, eux aussi, du côté du Cercle. Leur premier match est cette fin de semaine. Également, on porte un regard sur les rendez-vous de la BD qui reviennent, eux aussi, pour une énième saison dans ce cas. Michel Giguère, le responsable de cette activité, qui viendra nous parler et mettre la table autour d'un exposé qu'il a préparé sur la BD documentaire, un sujet tout de même également assez faste. Et en première partie d'émission, dans quelques minutes, on aura le plaisir de jaser avec le scénariste Yves Pelletier, qui va nous parler du pouvoir de l'amour et autres veines romances, sa toute dernière publication du côté des éditions La Pastèque. Deuxième BD d'ailleurs d'Yves Pelletier, après qu'il nous ait offert le fort sympathique Valentin, il y a de ça quelques années. Et ici, on parle d'une collaboration avec Iris, d'ailleurs, qui nous avait offert le Stitcher, entre autres choses, au fil des dernières années. Alors voilà pour le menu de cette semaine. Et sinon, comme à l'habitude, on commence avec quelques nouvelles, quelques actualités du monde de la bande dessinée. Notamment, faut dire qu'on est en rattrapage estival aussi. Beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être avez-vous vu passer la nouvelle d'ailleurs. Modification du côté des maisons d'édition québécoises. C'est le studio Première Ligne de Gatineau qui est passé chez l'éditeur gatinois Vendouest. Alors, une acquisition qui s'est faite au début du mois de juin dernier pour Vendouest, l'acquisition de cet éditeur spécialisé en BD, déjà actif depuis une dizaine d'années, il faut le dire, vient bonifier son catalogue qui était alors jusqu'à récemment centré sur la littérature jeunesse et générale. Et du même souffle, on annonce qu'on gardera tout de même le calendrier de parution qui avait été prévu par Première Ligne. Avec notamment cet automne, le dernier Ariane et Nicolas de Paul Roux, entre autres choses. Et on verra évidemment ensuite qu'est-ce que ça viendra changer à l'équilibre de cette maison d'édition. Est-ce qu'on aura plus de publications DD, un peu moins? On nous annonce à tout le moins que la ligne éditoriale précédente sera respectée dans les propositions qui seront faites là, du côté de cette collection Première Ligne, donc jadis Studio Première Ligne. Sinon, du côté de l'Association des critiques et journalistes de bandes dessinées, on a décerné dans le cadre de l'événement Japan Expo un peu plus tôt cet été le prix Asie de la critique 2014. Alors le prix a été remis à l'album Wet Moon d'Atsushi Kaneko, qui est publié chez Casterman en langue française. Il faut dire que ce prix distingue une BD asiatique d'exception qui a été parue en français entre juillet 2013 et juin 2014. 2014. Alors pourquoi ce prix, pourquoi cette sélection? Eh bien, la CBD souligne le style graphique souvent comparé à celui de dessinateurs comme Charles Burns ou Paul Pope, Datsushi Kaneko. On parle d'une sorte de ligne claire rehaussée de grands aplats noirs qui lui donne une ambiance irréelle, quasi surréaliste, une singularité qui est mise au service de thrillers magnifiques et bizarres dont justement Wet Moon fait partie. Alors voilà pour ces clins d'œil et comme à l'habitude, un album qui nous accompagne au fil de l'émission et qui fait les ponts entre nos différentes rencontres et nos différentes réflexions. Cette semaine, ce sera l'album Blazing Force de Pterodactyl Squad et on en écoute immédiatement un premier extrait. Et voilà donc un petit extrait de Pterodactyl Squad, formation qui nous accompagnera cette semaine à la vie en BD. Et vous l'aurez deviné, on garde la thématique 8-bit et chiptunes pour notre saison 2014-2015. Et maintenant, au bout du fil, j'ai le plaisir d'être en compagnie du scénariste de la bande dessinée Le Pouvoir de l'amour et autres veines romances qui vient tout juste d'être publiée du côté de la Pastèque. Yves Pelletier, bonjour. Bonjour. Un, deux, m'entendez-vous? Très bien. Toujours un plaisir de vous visiter un peu virtuellement cette fois-ci là, mais c'est KRL. Je rappelle aux auditeurs que l'émission Rock et Belles Oreilles, alors qu'on était à CIBL à Montréal, a été diffusée pendant une saison sur vos ondes à l'époque, au 20e siècle. Et d'ailleurs, ça m'amène un peu, Yves, à te poser la question, à savoir, au niveau justement travail de scénariste, bon, t'as fait des sketchs pour la radio, t'en as fait pour la télé, t'as fait du cinéma, tu fais de la BD aussi. Est-ce qu'il y aurait une dynamique différente dans la manière d'explorer un récit, d'explorer une histoire selon le médium auquel on s'attaque? Ben, les histoires restent les mêmes, c'est la façon de les raconter. C'est la façon dont j'ai procédé pour les deux albums, celui avec Pascal Girard, Valentin, puis celui avec Iris, le Pouvoir de l'amour, c'est que moi je le rédige dans un format cinématographique. Mm-hmm. Parce que en même temps, tu vois, Pascal et Iris, c'est des auteurs à part entière, tu sais, donc tu peux pas leur arriver avec un découpage, avec des cases, tu sais, il faut qu'il y ait une marge de manœuvre créative par rapport à un projet. Moi, je suis extrêmement privilégié qu'ils aient accepté de consacrer autant de leur temps à une collaboration avec moi. Donc, j'écris en fonction de la BD, mais en format cinéma. Donc, en général, le découpage par la suite qu'ils me proposent est assez proche de ce que j'imaginais. C'est sûr que des fois, il y a des trucs, là, il y a des dissonances, mais la plupart du temps, ça correspond à ce que j'imaginais. Donc, ça devient vraiment des ouvrages faits à quatre mains dans la mesure où ils ont une liberté d'action. Ensuite, au niveau du dessin, j'imagine qu'il y a beaucoup aussi de retours de ton côté, il y a beaucoup d'échanges. C'est un dialogue perpétuel dès le départ, même au moment où les personnages sont élaborés, la description des lieux, puis tout ça, c'est une série d'esquisses, puis là, oui, on peut discuter. Mais, à un moment donné, au fur et à mesure du travail, la complicité s'installe. À un moment donné, il n'y a plus besoin d'expliquer grand-chose. À un moment donné, tu te devines aussi, là. Tu sais, genre, je pense que autant Iris que Pascal décodent mon style d'écriture. Puis moi, à un moment donné aussi, des fois, je fais confiance à leur façon de le mettre en image ou... Des fois, quand ça m'amène un peu ailleurs, ça, maintenant, moi, je trouve ce qu'ils me proposent, c'est très, très, très drôle. Mais il y a une petite différence avec ce que j'imaginais. Là, je voudrais conserver le pouvoir humoristique ou le, tu sais, j'aime beaucoup ce dessin-là. Ça ça m'est arrivé certaines fois de modifier mon histoire pour que ça corresponde à ce qu'il m'avait répondu, ce qu'il m'avait proposé. Oui, on fait le plaisir de se laisser un peu surprendre aussi par la manière dont eux vont choisir de mettre en scène ce récit-là, au bout du compte. Oui, c'est ça. Exemple, tu vois, Iris, elle a un style très... C'est une fille qui est immensément drôle. Elle me fait rire. Moi, je l'ai découverte à travers son album Justine, qui avait été publié à peu près à la même époque que Valentin. Puis j'ai aimé son univers graphique, mais aussi son univers d'auteur, ses personnages, les situations, tout ça, je la trouve très drôle. Et à une façon, moi, la façon dont on a procédé, c'est que au départ, je lui ai proposé une vingtaine d'histoires, d'idées d'histoires. C'est plus des pitchs. Puis là-dedans, elle en a sélectionné une dizaine. Donc, elle a pris des choses qu'elle avait envie de dessiner. Donc, ça lui a donné aussi un ton à l'album, où c'est des histoires un peu plus ironiques, sarcastiques, l'humour un peu plus noir. C'est ça, c'est des histoires où les personnages, leur vie amoureuse va pas très bien. En fait, le sous-titre « Autre vaine romance » oui. est assez important. L'autre chose, c'est qu'elle a une façon aussi assez... elle a eu des collaborations avec Ziane ou même avec Caroline Allard, où elle a déjà traité de mœurs sexuelles. Donc, quand un chat, c'est un chat, une chatte, c'est une chatte. Donc, elle a tendance à le dessiner, elle dessine ce que moi j'écris. Tu sais, ça aurait pu être mis en scène, mis en planche de façon plus, je te dirais, prude, mais elle, OK, on le montre comme ça. Puis là, moi, je l'ai suivi là-dedans, je dis, c'est un album pour adultes, hein? Mm-hmm. Je tiens à le mentionner, pas qu'il y ait de quiproquos, de malentendus. Oui, parce qu'en fait, on est d'un côté dans l'humour noir, on est de l'autre côté dans l'humour adulte aussi, et dans la thématique, bon, qui n'est pas toujours sexuelle non plus, non, c'est la thématique de l'amour, mais il y a des scènes qui sont assez explicites, et je pense à la scène du club échangiste notamment, où effectivement, là-dessus, le chat est un chat, comme on dit. Mais c'est ça, donc je l'ai calculé, il y a 0.05% de nudité dans l'album, il y en a quand même, c'est ça. Mais voilà, donc mais la situation, tu vois, genre, j'étais un peu surpris, puis je me suis dit, ben Yves, t'as écrit ça, c'est sa vision des choses, ben parfait, allons-y. Et au niveau thématique, justement, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a donné envie, sachant que dans le contexte général, bon, de ton cinéma, tes récits, t'es souvent dans des comédies romantiques, et bon, que ce soit plus absurde, moins absurde selon les récits, et donc dans ce cas-ci, t'as été d'un côté vers des histoires courtes et de l'autre côté vers des histoires d'amour qui finissent mal au bout du compte là aussi. Mais c'est ça, comme tu sais, je pourrais très bien écrire un autre truc la semaine prochaine qui va être sur un autre ton, c'est pas une démarche qui est comme volontaire. Tu sais, c'est comme mes deux premiers films, c'était des histoires un petit peu plus fleurs bleues, surtout Les Aimants. Là, le baiser du barbu, il y avait quand même une bonne dose d'absurde. C'était deux histoires de réconciliation, donc avec un happy ending. Là, c'est des histoires où... oui, il y en a une couple, pour moi, je trouve que c'est une fin heureuse, parce que... Tu sais, rester tout seul ou, tu sais, je veux dire, ne pas vivre un amour qui ne t'est pas destiné, c'est aussi du bonheur, mais il faut apprendre à l'accepter. Et pour illustrer un peu le côté absurde, donc d'un côté, on a mentionné les éléments un peu plus explicites, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus naïfs dans l'objet d'amour qui est représenté, notamment une histoire d'amour autour d'un orgue mécanique, des choses un peu plus, absurdes, en fait, pour utiliser le terme. En même temps, dans toutes les histoires, tu sais, j'essaie de conserver un certain équilibre, c'est à peu près 50-50 des univers féminins et masculins. Là. C'est à peu près 5 histoires autour d'un protagoniste masculin, 5-6 histoires du côté des protagonistes féminins. De tous les âges aussi, de toutes les régions du Québec, tu sais, genre, comme tu peux pas vraiment le situer géographiquement, mais il y a des affaires qui se passent un petit peu partout. C'est pas juste Montréalais ou... C'est un peu le défi d'un recueil, d'une certaine façon. Donc, t'as des courtes histoires, on passe quand même d'un univers à l'autre, d'un style à l'autre, au niveau du ton. Il y a quand même des éléments qui unissent, puis à travers ça, il faut avoir un équilibre, donc, dans le récit autant que dans les éléments d'une histoire à l'autre. Là. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup... tu sais, ce qui est peut-être... Ce qui le différenciait du style... dirais, c'est que moi, j'aime beaucoup les décors, j'aime beaucoup les accessoires, tout ça. Donc, j'ai demandé de dessiner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle a trouvé ça un peu ardu parfois, mais je pense qu'à la fin, elle m'a remercié en disant, mon Dieu, elle dit, j'ai progressé dans mon dessin. Tu m'as fait dessiner des affaires que d'habitude, tu sais, les arrière-plans, elle avait tendance à peut-être à moins les soigner, tout ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, situé, même si c'est des histoires fantaisistes, de situer la situer dans un certain réalisme. Mm-hmm. Tu sais, donc, y donner des racines réelles. Puis ça passe beaucoup par au cinéma, ce qu'on appelle la direction artistique, là, tu sais, genre mm-hmm. les costumes, les accessoires, l'allure physique des personnages et tout ça. J'aime ça, moi, les belles cases ou panoramiques avec toutes sortes de détails. Tu sais, des images aussi que après, tu t'as envie de revisiter autant au niveau graphique, parce que c'est très ça peut être beau, c'est le fun, puis aussi au niveau des détails, des fois tu peux mettre des gags ou des petits trucs d'arrière-plan qui sont le fun. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression aussi, dans le contexte de nouvelles, de courtes histoires, on a peu de cases, on a peu de planches pour amener le récit, bien placer les choses, donc faut rentabiliser aussi cet espace-là. Il y a des éléments de caractérisation qu'on peut mettre dans le décor, dans l'ambiance, dans le contexte. Oui. Puis, mais tu vois, tout ça, tu sais, genre, moi, j'aime me laisser guider par la spontanéité. Et donc, tu vois aussi, genre, il devait déjà avoir un certain esprit dans ce que j'ai présenté à Iris, là, les petites histoires au départ. Puis elle a, comme ce qu'elle a sélectionné, elle a pris peut-être ce qui était le plus cristallisé dans ce ton-là. Puis, à la fin, le travail d'unifier tout ça, puis de donner un ton général. Au début, on y est allé de façon ponctuelle, histoire par histoire par histoire, puis à la fin, on a regardé le résultat, puis on a dit, bon, ben parfait, ça donne ça, c'est le contenu de notre album, comment qu'on le réorganise, c'est là où j'ai eu l'idée de mettre des petites citations entre les histoires pour donner une espèce de guide. Et ce qu'il faut dire aussi, Yves Pelletier, c'est que d'un côté, on t'a connu comme raconteur d'histoire, justement, comme on le disait en début d'entrevue, d'un médium à l'autre, mais aussi, au niveau de la BD, t'es passé de lecteur à scénariste, au bout du compte, donc c'est un peu l'idée de se donner le luxe de narrer dans un genre qu'on suit depuis qu'on est petit, depuis qu'on est jeune, ouais. Qu'on aurait voulu investir, j'imagine, aussi. Dans les faits, moi, mon premier souhait, quand j'étais un enfant, c'était je voulais être créateur de bande dessinée. je m'étais déjà dessiné dans un cours de religion. On nous avait demandé de se dessiner nous-mêmes plus tard à l'âge adulte. Et puis j'étais dans un taudis devant une planche à dessin. Puis là, le professeur m'avait dit, mais Yves, c'est quoi tu veux être pauvre? Je dis non, je veux être dessinateur de bande dessinée, mais on m'a dit que c'était pas très payant. Donc déjà j'étais un peu pragmatique. Et quand j'ai fait mes études à l'université à l'UQAM, je faisais de l'illustration, je faisais de la BD pour les journaux étudiants. J'en ai fait de façon un peu semi-professionnelle quand j'étais jeune adulte. Mais RBO est arrivé, puis à un moment donné, ça prend tout ton temps. Donc le dessin, je l'ai mis de côté. Oui, puis j'avais même lu que tu avais soumis des planches à Charlie Hebdo à une certaine époque. Écoute, mon premier voyage en France, j'en ai profité pour... j'étais sur place, puis là j'ai dit, ah ben tant qu'à y être, je me suis acheté du papier, je me suis acheté de l'encre. Il y avait un endroit où je pouvais m'installer chez des amis d'amis. Et puis là, j'ai créé des planches directement à Paris que je suis allé soumettre à les éditions Audi, Fluide Glacial, Charlie Hebdo, puis L'Écho des Savanes. Et à Charlie Hebdo, ils te recevaient directement. Tu sais, genre, tu te présentais là, puis t'avais tout le monde avec ses portfolios qui attendait pour passer devant... C'était Willem qui nous recevait. J'ai fait une erreur quand j'ai fait une entrevue au Devoir, puis j'ai dit que c'était GB. Puis finalement, après, rétrospectivement, je me suis rappelé que c'était Willem. Et avant de passer devant M. Willem, tout le monde dans la petite salle d'attente se montrait respectivement le contenu de son portfolio. C'était des gars qui, écoute, du monde qui avait 18, 19 ans, 20 ans, qui avaient le même âge que moi, mais qui tiraient, là, c'était des affaires, c'était débile mental. Puis là, il disait, et toi? Puis là, moi, je voulais pas leur montrer mes petits dessins que je venais de faire. Écoute, ça m'avait pris 3-4 jours faire ça, là, tu sais. Mais c'est ça, j'étais comme, c'était plus un prétexte aussi pour aller voir c'était quoi là-bas, le monde de l'édition. J'ai croisé Gottlieb, imagine-toi, là, quand je suis allé aux éditions Audi. Je suis arrivé là, puis dans le corridor, je croise Gottlieb. Il était plus gêné que moi. Ah oui? quand j'ai dit bonjour monsieur, bonjour, il regardait à terre, il était gêné. Et donc, d'une certaine façon, la création BD, est-ce que tu as l'impression, en fait, que ton regard sur toi comme créateur de BD, comme scénariste de BD, donc ton regard sur ces histoires-là, est teinté d'abord de ton expérience de lecteur ou d'abord de ton expérience de raconteur, que ce soit avec RBO, que ce soit avec le cinéma? Ah, non, c'est un regard de lecteur total. J'ai même appris... Je pense que j'ai même appris à regarder le monde en m'imaginant une case de BD, parce que j'avais déjà, avant de savoir lire, j'ai appris à lire en lisant les Tintins, puis après, toute mon enfance, moi, c'est genre la lecture, dès que j'avais de l'argent de poche, c'était pour m'acheter un Lucky Look, un Is No Good, c'était pour moi, là, les gens allaient à la... s'acheter des bonbons ou n'importe quoi. Moi, genre, je veux m'acheter des bandes dessinées. Donc, j'ai l'impression que toute cette lecture-là, parce que moi, j'en lis, j'ai pas arrêté d'en lire. Ça veut dire que là, je suis un petit peu moins au courant de toutes les parutions. Il y en a tellement, là, mais je suis encore lecteur de BD, j'en achète. Je pense que cette façon, ce mode d'expression-là, ce langage-là, ça fait partie même de ma façon de voir les choses. Les autres membres d'RBO aussi, quand, tu sais, on est tous nous autres de la génération pilote, la génération MAD aussi, qui était assez forte dans les années 70, l'espèce d'humour nonsense, un petit peu plus adulte, qui est né à fin des années 60, puis dans les années 70. Et RBO, souvent, je te dirais, c'est de la BD sur vidéo, là. C'est un regard BD sur les choses. Et côté BD album, est-ce que tu as l'impression qu'entre Valentin puis Le Pouvoir de l'amour, tu maîtrises un peu plus, un peu différemment peut-être aussi ta manière de scénariser, d'aborder ou de travailler les histoires avec ton dessinateur? Je pense que là aussi c'est un dialogue. Ça dépend aussi ça dépend du cheminement de Pascal Girard et de Iris aussi. C'est un truc, vu que c'est un dialogue, vu que c'est une collaboration. C'est difficile à dire. C'est difficile à le déterminer. Il faudrait plus leur demander à eux autres. Si moi je les ai amenés dans des zones d'inconfort ou l'inverse, que je les ai amenés dans des zones plus favorables, je sais pas. Et est-ce que déjà on pense à une troisième BD? Il y avait eu quand même quelques années entre Valentin puis Le Pouvoir de l'amour. Est-ce qu'on prévoit une pause aussi longue ou s'y remettre plus rapidement? C'est pas une question de pause, c'est une question de parce que c'est ça, là, je fais toutes sortes de choses dans la vie. Là, tu vois, genre, au cours des dernières années, j'ai fait le tour du monde pour une série télé qui s'appelle Partir autrement, qui était diffusée sur TV5. Ça a comme monopolisé tout mon temps et mon énergie. Donc, tu vois, c'est un peu... C'est sûr que j'ai envie, j'ai le goût, mais je sais pas dans combien de temps... Il va sûrement en avoir d'autres, mais à quel moment, j'en ai aucune idée. D'où l'importance d'en profiter quand ça passe. Oui, voilà. L'autre truc, c'est que c'est comme... C'est de demander à quelqu'un de collaborer avec toi, un dessinateur ou une dessinatrice. Ces personnes-là, ils se consacrent à leur art, tu sais, j'en sais pas, ça demande des mois et des mois de travail, donc tu peux pas monopoliser l'attention, le temps et l'énergie de ces gens-là de façon inopportune. Eh bien, on découvre donc la résultante de cette collaboration que tu as eue avec Iris. Je le rappelle, ça s'appelle Le Pouvoir de l'amour et autres veines romances. C'est à La Pastèque. Yves Pelletier, merci d'avoir passé un petit bout de temps avec nous. On est en réimpression, imagine-toi. Déjà? Ben oui. Ben, félicitations. C'est le fun, oui. Salut bien. OK. Bonne fin de journée. Bye bye. Et nous, on repart en extrait audio, toujours ici au 89.1. Et toujours des petits extraits de Pterodactyl Squad. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez écouter les émissions des saisons précédentes, eh bien, elles sont toutes disponibles en balado-diffusion. Vous pouvez trouver tout ça sur lavieenbd.wordpress.com. On vous invite également à suivre l'émission sur Facebook en cherchant La Vie en BD ou sinon facebook.com/La Vie en BD. Quelques commentaires BD rapides, notamment Finn BD de Jim Woodring qui est sorti dans les dernières semaines, en fait derniers mois. Je suis un peu en retard dans mes trucs, mais bon... Ça, celle-là, fallait que je vous la mentionne absolument. Ça fait une vingtaine d'années, d'ailleurs, que Jim Woodring travaille sur son personnage Frank. Ce personnage-là a été mis de l'avant dans différents albums, notamment du côté de l'association en langue française. Et il avait obtenu un prix, d'ailleurs, en Angoulême, prix Révélation, je crois, il y a quelques années. Et en 2011, il y a eu un album qui s'appelait Frank, qui est arrivé, récit donc tout simplement en langue sans parole, et est arrivé en langue française quelques années plus tard, la suite de ce récit donc qui s'appelle Fran, où on suit l'histoire de ce chat, si on peut dire, qui se retrouve dans un univers absolument absurde, absolument particulier, de vivre une idylle amoureuse avec Fran, donc la chatte, et finalement, des circonstances font que la dame doit quitter, se sauve, et Frank essaie donc de la retrouver. Je n'en dis pas plus. Pourquoi je voulais absolument vous le mentionner, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à être un peu, je dirais pas réfractaire, mais craintif peut-être, face à certains récits sans parole, et celui-là m'a absolument séduit. Je veux dire, on oublie qu'il y a pas de mots, littéralement, là, si on n'y pense pas du tout. Le récit est d'une clarté limpide, malgré justement l'ambiance absurde, le dessin est efficace, direct, clair. Vraiment, c'est un récit extrêmement dynamique qui mérite largement d'être lu. Donc ça, c'est chez l'association. Donc très, très, très rapide clin d'œil à cet album au fil de cette édition de La Vie en BD. Sinon, peut-être un autre très rapide clin d'œil à l'album Lip des héros ordinaires. Donc l'histoire BD, à savoir un peu documentaire, l'histoire de Lip, une des premières usines à engager un bras de fer avec le gouvernement en France dans les années 70. Bras de fer qui allait mener notamment à une période d'autogestion pour cette usine-là, donc un récit qui mérite largement d'être raconté, des épisodes même où les employés prennent en otage la marchandise de l'usine, décident de la revendre eux-mêmes pour financer les activités de l'usine. Et à travers tout ça, on suit un personnage, Solange, une femme qui vit justement ses bras de fer, qui vit cette autogestion jusqu'à une certaine étape, donc à l'intérieur de l'histoire de cette entreprise. Donc, une BD documentaire sur un sujet très pertinent, raconté de manière assez claire, où justement, le choix de mettre de l'avant ce personnage-là permet aux auteurs d'explorer les différentes facettes, les différents débats même qu'il y avait à l'intérieur des syndicalistes qui réclamaient donc différentes conditions pour les employés face à l'employeur et le reste. Donc, un récit narratif fort efficace, ma foi. Ça, c'est chez Dargaud. Ça s'appelle Des héros ordinaires. C'est de Laurent Galandon et Damien Vidal. Alors, sur ce, on prend une courte pause. On revient tout de suite après. Nouvelle saison, nouvelle programmation. C'est la raison pour aller au Palais Montcalm. Musique du monde, Richard Desjardins et Alexandre Dacosta. Glamour tango. Populaire, Sarah Sleen, Florence K. Folk, Agnès Obel. Plus de 25 concerts tout au long de cette nouvelle saison. Avec les carnets du Palais, ses forfaits d'abonnement sur mesure, économisez jusqu'à 25%. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Détails au palaismontcalm.ca. Le gala et l'autre gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Louis-José Houde qui animera le gala, alors que les Denis Drolet tiendront la barre de l'autre gala, qui remportera les prestigieux prix Félix. Pour le savoir, écoutez l'autre gala et le gala de la disque, deux rendez-vous les 22 et 26 octobre, en collaboration avec Musique Plus, Musimax et ICI Radio-Canada Télé. Tous les détails sur adisque.com. Ce message est diffusé par CKRL 89. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Aventurier voyageur Birmanie, Lulu femme nue, Opéra national de Paris La Traviata, La rencontre internationale du documentaire à Québec présente Le baiser de Tosca, Un loup derrière la porte. Aussi, à ne pas manquer au musée de la civilisation, Un loup derrière la porte, Lulu femme nue. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 14 septembre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Pour son numéro d'automne, le magazine culturel et artistique Bazar nous parle du théâtre québécois et de ses succès à l'international. Parce qu'étonnamment, le théâtre de Québec semble être bien connu et que la ville abrite une mine de talents insoupçonnée. Connaissez-vous Jean-Nicolas Marquis, Kevin McCoy et Marie-Josée Bastien? Pour découvrir leur vision artistique ainsi que celle de nombreux autres ambassadeurs de notre théâtre, lisez Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. CKRL 89.1, Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui sur les ondes du 89.1. Et je vous rappelle, si vous voulez me suivre de manière plus ardente, eh bien, c'est possible également de le faire sur mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et comme on le mentionnait en début d'émission, plusieurs retours événementiels dès septembre, et notamment c'est le cas de la Ligue québécoise d'impro BD qui revient pour une troisième saison le dimanche 14 septembre, donc premier match qui sera suivi par des rencontres le 26 octobre et le 23 novembre, avant de continuer et de poursuivre au début de l'année 2015. Et pour nous parler de la Ligue et de son évolution, on est en compagnie d'un improvisateur, Simon Trudeau, bonjour. Bonjour. D'une dessinatrice, Valmo, bonjour. Allô. Et d'un des organisateurs, qui est aussi le directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, bonjour. Bonjour. Et peut-être commençons par une définition. Là, pour ceux qui, pour la première fois, viennent d'entendre les termes impro BD, qu'est-ce que c'est? On est toujours très heureux d'accueillir ces nouvelles gens-là. L'impro BD, c'est quoi? C'est une scène sur laquelle se rencontre l'impro de type théâtral et la bande dessinée, l'illustration. Ça a l'air toujours bizarre quand on en parle. À chaque fois que les gens me posent la question, je suis toujours en train de leur dire, venez en voir un, ça va s'éclaircir de soi-même. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a de l'impro théâtral comme on est habitué d'en voir à la LNI ou ailleurs. Et en plus de ça, on greffe un élément illustration, un élément BD, où il y a des dessinateurs sur scène. En fait, il y a des dessinateurs dans chaque équipe qui viennent imposer une composante dessinée à l'improvisation. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être un dessin, un poster de l'improvisation. Ça peut être la première ou la dernière case de l'improvisation qu'on va voir. Puis les fameux trois traits. Les fameux trois traits. Sont très populaires. Là, parce qu'à l'inverse, on pourrait dire aussi qu'on vient greffer à de l'improvisation de dessin des comédiens. Tu sais, parce que vraiment, le dessin devient une contrainte ou un allié au jeu. Mm. Le jeu devient un allié ou une contrainte au dessin. C'est vraiment un mariage des deux univers qui se présentent à nous. Là. Et avec la troisième saison qui commence cet automne, est-ce qu'on a l'impression que la discipline en est arrivée à une certaine maturité? Oui, moi je pense que oui, carrément, parce que, comment je pourrais dire ça, c'est quand on va voir un match d'impro, c'est tout de suite à quoi s'attendre, en fait. Puis quand on va voir un match d'impro BD maintenant, même quand on l'explique encore pour la première fois, des gens qui sont jamais venus ou des gens qui sont déjà venus voir les spectacles, quand tu dis impro BD, les gens sont vraiment « Ah oui, c'est ça, puis c'est vraiment unique, puis c'est différent carrément de l'impro qu'on voit habituellement, là, soit au niveau de la... » Les autres ligues que tu disais tantôt, là, excuse-moi. Parce que la ligue, quand même, à sa troisième année, une expérience, un bagage qui nous permet d'avoir évalué les catégories qu'on a fait, les tentatives au niveau des présentations pour développer une offre qui est peut-être plus uniforme aussi. T'sais, on a fait un exercice d'ailleurs cette année où on a revisité certains thèmes, essayé de développer des nouveaux thèmes. C'est des choses qu'on n'avait pas fait au début de façon formelle. On le faisait pour les essais, mais cette fois-ci, on se planche vraiment sur les concepts pour produire un produit plus uniforme, dans le fond, qu'on présente au Cercle et dans nos autres activités aussi. Et dans ce contexte-là, pour les joueurs, est-ce que la manière d'aborder aussi l'impro BD a changé, donc de la première saison aujourd'hui? Parce que Simon, Valérie, ça fait depuis le début que vous êtes dans la Ligue, là. Oui, ça fait déjà 3 ans. Oui, ça fait déjà 3 ans. On est vieux. Ouais. On ne réunit pas. Oui. Je sais pas. Moi, je pense qu'on peut maintenant se permettre d'aller un petit peu plus loin. Oui. Je pense dans les impros parce qu'on prend plus d'assurance, veux pas. Puis même au niveau de dessin, je te dirais qu'on va pousser ça encore un petit peu plus cette année là, parce que les dessinateurs qui sont là depuis ou c'est à peu près soit 2 ou 3 ans. Oui. Fait que même nous, on commence là à trouver des nouvelles idées en pensant en même temps à qu'est-ce que les improvisateurs pourraient apporter justement au match pour rendre ça plus intéressant et vice versa, je pense. Il faut dire que les joueurs de la Ligue, étant donné qu'il y a déjà un certain âge, on est en train de chercher aussi d'autres manières de mélanger les deux. On est toujours en expérimentation. On a un peu plus d'implication aussi cette année du public. Je pense entre autres, on parlait tantôt des trois traits qui maintenant peuvent être soumis par le public sur la page Facebook. Ça devient, c'est une nouvelle addition quand même assez... c'est quand même assez notoire. Je pense qu'on est rendu à l'expérimentation. Oui. Puis en même temps, c'est un mariage forcé, le jeu et la bande dessinée. C'est-à-dire, quand on a présenté la première fois l'impro BD, les comédiens ne connaissaient pas nécessairement les dessinateurs et vice-versa. Et maintenant, après 3 ans, ben c'est il y a vraiment une belle complicité qui s'est développée, ce qui permet justement de développer des choses ensemble puis de pousser un peu plus loin en sachant les limites que des autres. Oui, dans le fond, quand on parlait de maturité tout à l'heure, donc c'est une question de confort qui s'est installée. Donc ce confort-là permet d'aller plus loin, permet d'explorer plus avant. Connaissant les faiblesses de ce mariage-là, donc les éléments à bonifier, connaissant les forces qu'il faut mettre de l'avant aussi. Oui, c'est un certain confort parce qu'on essaye toujours de déstabiliser en chaque année, rejoignant avec les équipes, en amenant des nouveaux éléments, nouvelles catégories. Donc, un confort, mais avec quand même des éléments déstabilisants. Là. Et dans ce spectacle-là, on parlait des trois traits, donc il y a des improvisations où il y a seulement le dessin, dans le fond, qui est sollicité. Il y en a d'autres où le dessin est sollicité, ensuite le jeu l'est. Il y en a d'autres où c'est sollicité tout en même temps aussi. Oui. Est-ce que pour les joueurs, ces improvisations-là, ces types d'improvisations-là, ben, ça change un peu la manière dont on les aborde, dont on les attaque, dont on les travaille en caucus aussi? C'est surtout une question, je pense qu'on lors des dernières expérimentations, on s'est vraiment rendu compte que le vrai défi, et là où c'est le plus payant, c'est de jouer sur le rythme. Ce sont deux activités, le dessin et le théâtre, dans le fond, qui vivent à deux rythmes complètement différents. Et lorsqu'on arrive à les harmoniser ensemble, lorsqu'on arrive à faire en sorte que le dessin produise un punch, parce que ça arrive, on peut voir le processus créatif de l'artiste. Ceux qui ne sont pas venus encore, on voit le dessin sur vidéo au fur et à mesure qu'il se fait. Là, c'est pas quelque chose qu'on retourne vers vous à la toute fin. Hein. Et il y a moyen d'harmoniser les deux ensemble. Moi, je pense que c'est là que vraiment, vers ça que la Ligue s'en va, puis c'est ça qu'on travaille le plus. C'est là que le vrai fun est. C'est là que le plaisir se trouve. Et il y a quand même un élément qui s'ajoute à tout ça, c'est la musique. Ah oui. Parce qu'il y a, on a des musiciens résidents, dont Frédéric Brunet et Nicolas Jobin, qui viennent eux aussi improviser avec les improvisateurs. Donc, on a vraiment une triple improvisation, que ce soit dessin, musique et dessin. Musique, dessin et jeu. Donc, eux aussi ont un apport, ils sont capables d'imposer des rythmes, de venir compléter au niveau du jeu et tout. Donc, ça fait vraiment une équipe complète. Ah, puis c'est ça, super le fun en plus, c'est cette improvisation-là qui s'appelle Inception. Dans le fond, c'est que les musiciens font une toune, n'importe laquelle, ça peut être, je sais pas moi, de la samba. Après ça, nous autres, on nous demande de dessiner un personnage en fonction de la musique qu'on entend. Puis après, les improvisateurs commencent l'improvisation avec le personnage qu'on a créé grâce à la musique. Fait que cette improvisation-là, pour les illustrateurs, là, c'est du vrai bonbon. Pour tout le monde, je pense que c'est une des catégories qui fonctionne le mieux, l'improception. Et dans ce contexte-là, j'imagine que le défi, c'est de l'impro, évidemment, c'est sans filet. Le défi, c'est l'écoute. On a du dessin, on a du jeu, on a de la musique en même temps. Donc, sur scène, faut avoir des yeux tout autour de la tête, là. Oui. Oui. C'est simplement comme ça. C'est les joies de l'exercice. Oui. Fort heureusement, le cercle s'y prête bien. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'audiovisuel au cercle. On est capable de voir ce qui se passe par un écran témoin en coin de salle quand on fait face au public. Ça paye des fois de se retourner puis de jouer avec l'écran aussi, d'aller se coller sur l'écran, d'utiliser la caméra live. C'est tous des accessoires qui sont mis à la disposition des joueurs et des dessinateurs. On n'a pas fini, on n'a pas encore vu le top de l'iceberg de cette histoire-là, je pense. On est sans cesse en découverte et en émerveillement. Et est-ce que c'est un peu ce désir d'explorer, de proposer quelque chose de neuf qu'amène le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, à le proposer sur une base annuelle? Donc, ça fait 3 ans, c'est pas pendant le festival. Il y en a pendant le festival, mais c'est vraiment une activité annuelle que vous offrez. Je dirais qu'à la première présentation à laquelle tu faisais partie, d'ailleurs, Raymond, c'est vraiment une façon l'intention était vraiment de présenter quelque chose de nouveau pour voir jusqu'où on pourrait amener ce concept-là. La Ligue qui est née par la suite est née de la volonté des joueurs de reproduire l'expérience qu'ils avaient vécue l'année précédente. Je veux dire, les joueurs en redemandaient. On a créé la Ligue pour développer le concept, l'amener plus loin. Et c'est depuis 3 ans, c'est ça. Donc, le festival, nous, on appuie cette initiative-là en l'accueillant dans nos activités annuelles. Mais c'est vraiment... La Ligue est née des gens qui l'ont créée, incluant les joueurs et ceux qui étaient derrière les concepts à la base et tout. Donc, la Ligue se veut une continuité des premières expériences. Puis je pense que tant que les gens vont vouloir continuer, parce que les joueurs sont assez fidèles d'année en année, je pense que la Ligue va continuer. Puis le public est là aussi pour en redemander. Oui, vous offrez d'ailleurs une formule abonnement cette année. Effectivement. Donc, par le passé, on était en mode donation volontaire. Cette année, afin de stabiliser un peu plus le financement de l'activité, on demande 5$ à la porte au cercle pour les activités, mais il est possible de s'abonner pour 30$, donc d'économiser une présentation. Parce que dans la saison régulière, il y a 6 matchs et la finale, donc 7 matchs, ce qui coûterait 35$. Et pour 30$, ben, vous avez un abonnement annuel qui vous permet de voir les 7 matchs, puis qui vous donne aussi le droit de gagner des bandes dessinées, donc des lots de bandes dessinées. Fait que il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Et en même temps, il faut dire aussi que c'est un concept que voyager. Donc, vous l'avez présenté à Montréal, à Gatineau, à Lyon. J'ai le plaisir d'être de certains de ces voyages-là aussi. Saint-Malo cet automne également. Donc, c'est vraiment l'idée de faire voyager aussi. Cette discipline-là, ce produit fait en partie au Québec, inventé en partie au Québec. Oui, ben exactement. Ça devient une belle outil de promotion pour le festival et les artisans québécois, tant au niveau de l'impro que du dessin. Donc, cet automne, on sera à Saint-Malo pour 2 représentations dans le cadre du festival Quai des Bulles. Donc, avec Michael et Jeff et 3 comédiens, donc François Anger, Marie-Pierre Trudel et Elodie Cuneau. Et donc, contre des équipes françaises qui seront présentes, donc dans un grand auditorium lors du festival, ça va être génial. Et on parlait de catégories. Je pense que ça donne peut-être aussi une idée aux gens qui nous écoutent de se figurer un peu à quoi ça peut ressembler, à quoi s'attendre aussi. Mais pour dimanche 14 septembre, on a parlé d'improception, on a parlé de 3 traits. Mais outre ces deux-là, Valmo, Simon Trudeau, ce serait quoi peut-être votre catégorie coup de cœur? Vite de même. Moi, j'aime beaucoup. C'est con, là, parce que ça limite beaucoup quand même le comédien. J'aime beaucoup Conte illustré. J'allais dire la même chose. C'est là qui mixe le mieux l'illustration. Je trouve que les résultats qu'on a jusqu'à maintenant sont fantastiques. Ou un narrateur et de l'illustration au fur et à mesure, c'est presque un film en essence qu'on voit sur scène. J'aime beaucoup cette catégorie-là. Elle est toute simple, mais elle fonctionne. C'est rarement des improvisations comiques. Oui, c'est sérieux. Des fois, c'est même dramatique. C'est surprenant avec le reste de la soirée où on s'amuse beaucoup. Puis là, c'est genre, oh! Et donc, est-ce que cette catégorie-là fait l'unanimité ou s'il y en a d'autres aussi qu'on pourrait pointer? Moi, j'aime particulièrement celle-là, mais c'est sûr que moi, le défi que j'aime le plus personnellement, c'est vraiment 3 traits. Mais ça, c'est plus un point de vue personnel, là, parce que je te dirais, c'est celle-là qui m'a plus dégênée, là, parce que t'es vraiment tout seul, t'es l'illustrateur tout seul. Puis sinon, pour la plupart du reste, t'es tout le temps en communication avec les comédiens, tout dépendant de la catégorie. Mais moi, 3 traits, je trouvais que c'était un bon défi, puis je l'aime tout particulièrement. Moi, j'ai bien hâte de voir la nouvelle catégorie suspect de convenance qu'on a développée récemment pour voir vraiment comment les gens vont réagir, mais ça risque d'être super intéressant. Alors, on invite les gens à aller voir de quoi il en retourne. Je le rappelle, donc le premier match de la saison, c'est dimanche 14 septembre. Ensuite, ça ira au 26 octobre et au 23 novembre. Si vous n'avez pas le temps de tout prendre en note, eh bien, vous allez sur likibd.com. J'aurai pour ma part le plaisir, une nouvelle année, d'agir à titre de maître de cérémonie, de maître de jeu de ces parties. Eh bien, au plaisir de vous voir sur scène, donc dimanche au Cercle, Valmo, Simon Trudeau, Thomas-Louis Côté. Merci. Au revoir. Et nous, on part avec un petit extrait musical, toujours de Pterodactyl Squad, ici à CKRL. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Un plaisir, je le répète, d'être de retour en onde ici au 89.1 pour une nouvelle saison. Et une nouvelle saison qui s'ouvre pour nous, mais une nouvelle saison qui s'ouvre aussi pour d'autres. C'est le cas de notre collaborateur Michel Giguère, qui pour une nouvelle année offrira donc les rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel Roy. Et là, j'ai l'air de m'enorgueillir avec mes trois saisons, mais Michel Giguère de A, bonjour. Bonjour Raymond. Et de B, toi, t'en es quoi? Ta 20e saison? Ça rajeunit personne, hein? Et puis, ben oui, 20 saisons. Donc, et puis, pourtant, tu vois, malgré le passage du temps, je suis pas du tout à court de sujet ni de thème. Je pense que notre programmation de cet automne en témoigne bien. Oui, mais en fait, c'est quand même extrêmement varié. Peut-être un petit aperçu d'ailleurs de l'automne avant de se lancer sur la rencontre de mercredi prochain. Ben oui, en octobre, pour ne pas commencer par le début, ça va s'inscrire dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres, donc il va être question, puisqu'il est question de pseudo et d'imposture et tout ça. Moi, j'ai fait quelque chose sur le thème transfuge et transposition autour des romanciers qui se lancent dans la scénarisation de bandes dessinées et aussi les romans adaptés en BD. Mm-hmm. En novembre, 5 scénaristes en béton, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des dessinateurs, mais là, j'ai décidé de présenter 5 scénaristes qui, moi, depuis des années, m'impressionnent. Et en décembre, La boue et le sang. D'après toi, de quoi on va parler pour finir l'année 2014, comme si on n'en avait pas assez parlé. On a fait un anniversaire quand même plutôt incontournable cette année, la Première Grande Guerre. Ouais, puis dans le fond, avant cet anniversaire-là, on n'en parlait pas tant que ça de cet événement-là. Et ce mois-ci, ben, on commence avec la BD documentaire. Et Michel, en fait, j'ai l'impression, en fait, je t'interromps, mais juste pour dire, j'ai l'impression que tu nous offres quand même des sujets assez sérieux là cet automne. Ça, ben, on analyse, on est dans la grosse analyse. Là. C'est vrai, hein? C'est vrai que c'est sérieux. Mais si tu as bien y pensé, je suis pas mécontent de souligner la longévité d'un bel événement comme le mien à travers des sujets sérieux. Parce que des gens comme toi puis moi, on n'y pense plus à un moment donné parce qu'on est tellement impliqués dans le milieu, on est au fait de la production. Mais faut savoir que chez le grand public, il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation, de légitimisation à faire. C'est loin d'être fini. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, si je pousse un peu mes attaques entre guillemets, la BD documentaire, un thème quand même, est-ce qu'on pourrait dire un peu aride pour ouvrir la saison, ou au contraire quelque chose d'assez, si j'inverse le truc, des belles explorations qu'on peut proposer? Non, aussi. Non, écoute, c'est ennuyant, mon gars. Là. T'imagines-tu, j'ai passé l'été à lire des bandes dessinées documentaires. D'abord, ça laisse perplexe. Ah ouais, un documentaire en BD, tu sais. Et puis, on a toujours une espèce de paresse intellectuelle qui fait « Ah ouais, ah oui, mais il suffit de s'y mettre, de mettre un œil dans l'album, et puis c'est pas long qu'on embarque. » Au contraire, on dirait que le genre est né pour ça, même à un certain degré, si on pousse un peu. Ben, en fait, il y a aussi un étonnement qui opère, parce qu'on se rend compte que c'est un médium plein de potentiel pour aborder différents sujets réels. Et par ailleurs, faut que je dise aussi que je dois composer avec plusieurs contraintes quand je monte la programmation. Et le temps en est la principale. Entre deux activités, j'ai tout juste un petit mois pour me taper les lectures de dizaines d'albums, choisir des planches qui seront projetées, les organiser dans un certain ordre, monter la bibliographie qui va être fournie aux participants. Parfois même, je dois répéter, ce qui va être le cas pour mercredi prochain. Or, ce thème-là demande énormément de temps de préparation, parce que les albums ont presque tous une forte pagination, une forte densité aussi. Ça se lit pas comme un roman, si je puis dire, ni comme un Garfield d'ailleurs, encore moins. Aussi parce que la majorité des livres s'accompagnent de préfaces, de notes, de postfaces, il y a beaucoup de textes. Et puis, il y en a des tonnes à lire, là. Alors, conséquemment, ça aurait été difficile de compiler tout ça en 4 semaines entre octobre et novembre, mettons, là. Alors, de fait, j'y ai consacré l'essentiel de mes temps libres à l'été 2012 et à l'été 2014. C'est pour ça que j'ouvre la saison là-dessus. Et en même temps, on imagine facilement l'ampleur de la tâche. Et Michel Giguère, tu parlais tantôt aussi de l'idée d'organiser les images. Bon, c'est visuel, en fait. Tout est accompagné panier de planches, on le rappelle. Et j'imagine que ça reste une étape aussi qui est cruciale pour susciter l'intérêt de l'auditoire, pour le capter, pour expliciter aussi ce que tu dis. Alors, comment ça se passe un peu côté organisation, peut-être un peu du visuel des rendez-vous? Mais écoute, c'est spécial que tu me poses cette question-là, parce que pour la première fois, j'ai tenté de procéder autrement que d'habitude, à savoir de déterminer le canevas de la soirée, l'échafaudage de ma présentation là, avant d'avoir terminé mes lectures, avant d'avoir toutes les planches sous les yeux. Et puis finalement, j'ai mis de côté ce que j'avais préparé d'emblée, parce que c'est la bonne vieille méthode qui s'est imposée. C'est-à-dire m'installer devant mon écran d'ordinateur, regarder les planches, puis les couvertures, encore m'absorber, m'imbiber, et puis laisser émerger une forme, des lignes de force, un fil conducteur, des sous-thèmes, des chapitres. Fait que c'est vraiment devant toute la banque d'images que la forme se dessine sous mes yeux, finalement. Et côté structure, donc, mercredi qui vient, ça va donner un peu quoi? Ben, il va y avoir d'abord une intro où j'explique, dans un souci de circonscrire le sujet et le corpus des lectures, que j'ai exclu les biographies, j'ai exclu aussi les péripéties fictives plaquées sur un fond véridique. Ça fera l'objet de d'autres rencontres, de toute manière. Et puis, surtout, j'essaie de montrer en introduction tout à la fois que de privilégier la BD à des fins documentaires, ça date pas d'hier, d'une part, et puis que cette forme-là connaît quand même un essor remarquable depuis 15-20 ans, d'autre part, ne serait-ce qu'en soulignant l'existence de la revue dessinée dont on va parler. Et donc, au niveau, pour débuter peut-être un peu la présentation de tout ça, bon, est-ce qu'il y avait des éléments qui venaient s'imposer peut-être un peu aussi, ou des sujets qui venaient s'imposer, des thématiques? Oui, évidemment, l'histoire, mais vraiment, ça commence par la religion, qui c'est tellement les fondements souvent de l'histoire, là. Et puis l'histoire suit la religion tout naturellement. Et curieusement, les BD historiques, ce qui s'est imposé, c'est non pas la chronologie pour les présenter, mais bien la géographie. Et on va se trouver à faire des petits sauts dans le temps, revenir, repartir dans l'autre sens, mais on va y aller comme région par région, parce qu'il y a comme trop de liens, il y a des enjeux, il y a comme une espèce de mécanique historique à un moment donné qui s'enclenche dans certaines régions, là. Et on se trouve aussi à déboucher sur les guerres, parce que souvent, tu sais, tracer la grande histoire d'un pays ou de l'humanité, c'est d'aller de guerre en guerre, on n'y échappe pas. Mais il y a aussi plein d'autres pistes, la politique, les migrations, les exploits qui ont passé à l'histoire, la musique, la littérature, il y a toutes sortes de dimensions. Et à l'intérieur de ça, aussi, bon, variété de sujets, évidemment, t'en as lu beaucoup au fil de deux étés. Est-ce qu'il y a des sujets aussi peut-être un peu moins évidents qui sont venus te surprendre, qui sont venus t'étonner? Ben, il y en a un qui s'est imposé dans le corpus, parce qu'il y a beaucoup d'albums qui portent là-dessus, c'est la condition ouvrière. Il y a beaucoup de relations, d'événements qui ont marqué les esprits dans l'histoire, en s'inscrivant dans la dynamique, là, si tu veux, conflictuelle entre les travailleurs puis les possédants, les capitalistes, les corporations. Et vraiment, il ressort de tout ça une charge anticapitaliste de la part de plusieurs bédéistes. Et c'est des thématiques, j'ai l'impression, qui ont aussi une résonance actuelle, qu'on pense à Occupy ou d'autres mouvements. Donc, j'imagine qu'on est dans l'histoire passée, mais on est aussi dans l'actuel, dans des éléments très actuels dans la BD documentaire. Absolument. Ça va du génocide rwandais au printemps arabe, en passant par le Moyen-Orient, les Balkans. Alors, comme tes auditeurs sont à même de voir, c'est que du léger et du jovial. et dans tout ça, j'imagine, si on veut se préparer, parce que évidemment tout ça, l'objectif, c'est aussi de mettre la table en route vers la rencontre de ce mercredi, le 17 septembre à 19h à la bibliothèque Gabriel Roy. Et donc, est-ce qu'il y a des auteurs qui se sont peut-être démarqués et des auteurs qu'on, en amont ou en aval de la rencontre, ben, on devrait aller emprunter en bibliothèque ou se procurer en librairie? Ben là, la présentation, c'est quand même dans quelques jours. Les gens auront le temps de lire une préface. Peut-être, c'est tellement long à lire. Non, sérieusement, je te dirais, d'abord, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est un éditeur qui se démarque, Futuropolis, qui domine largement la production de BD documentaires, avec des belles choses d'ailleurs. Mais aussi, côté auteur, puisque tu me le demandes, ben, il y a l'Américain Joe Sacco, évidemment, le Français Étienne Davaudeau. Ces deux-là, au fil de leur production, ils se sont vraiment affirmés comme de véritables documentaristes rigoureux. Il y a Sylvain Ricard, Mathieu Sapin, Paco Roca aussi, qui s'intéresse à ses compatriotes espagnols. espagnol sous Franco, que ce soit des combattants ou des bédéistes. Puis il y a une bonne part aussi qui va être consacrée à Guy Delisle, mais pas mercredi prochain, parce que j'ai tellement de matériel que ça va faire l'objet de deux parties. Et puis les carnets de voyage, comme les catastrophes environnementales, les affaires criminelles, les problèmes sociaux, les manuels didactiques, les reporters, et puis aussi le monde de la BD vu par lui-même, tous ces thèmes-là vont faire l'objet d'une deuxième rencontre. Fait que c'est dire, tu vois, un petit peu l'éventail des thèmes abordés, des sujets, c'est d'une richesse. Je me fais pogner à chaque fois. Et là, la question qu'on a en écoutant ça, c'est comment fera-t-il pour n'en parler que 90 minutes deux fois? Le défi du temps. En trichant, en faisant durer ça plus que 90 minutes. Alors, je le rappelle, la rencontre, c'est donc mercredi prochain, c'est le 17 à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est gratuit, pas besoin de réserver, donc on se présente tout simplement. À 19h. Et avec toujours beaucoup de visuels aussi, donc ça permettra de voir de quelle manière aussi chacun, chaque auteur va traiter justement les éléments visuels, la case par le trait. Il y en a qui vont vers le croquis, j'imagine d'autres un dessin plus réaliste. C'est pas de la photo, donc il y a un parti pris esthétique et c'est étonnant de passer d'une esthétique à l'autre tout au long de la soirée. Et arriver à l'heure, ça commence à l'heure. Alors ben, l'invitation est lancée et Michel Giguère, nous on se dit au mois prochain. Merci de l'invitation. Et à mercredi évidemment. Oui, oui, salut madame. Alors, ben voilà donc les rendez-vous de la BD qui reprennent du service à la bibliothèque Gabriel Leroy. Nous, ça sera tout pour cette semaine. Évidemment, on est de retour la semaine prochaine. Sophie Bédard sera avec nous pour parler des quatre tombes de Glorieux Printemps. Jeff sera avec nous pour parler de Broadway et plusieurs autres thématiques. D'ici là, on vous invite à visiter le blog de l'émission, donc lavieenbd.wordpress.com. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous de retour pour la saison 2014-2015. Et dans quelques instants, nouvelle émission à la programmation Swing Out avec Jasmine Haynes.